sur le fil, sans comprendre que souvent tu te mets en péril. Ça fait trop longtemps que tu vis dans tes rêves, sans comprendre que maintenant il n'y a plus de trêve. Ça fait trop longtemps que tu te racontes des histoires, sans comprendre que souvent j'ai les idées noires. Il est temps de partir, il est temps d'en finir. La patience a joué de sa science. Il est temps de partir, il est temps d'en finir. Il est temps de partir, il est temps d'en finir. Il est temps de partir. La patience a joué de sa science. Ça fait longtemps que je m'égare dans ton monde, où je vois que tout le temps on y danse la même ronde. Ça fait trop longtemps que prisonnier de ton corps, je passe mon temps à te croire encore. Ça fait trop longtemps que tu joues avec la mort, et qu'il y a du vent dans tes décors. Trop longtemps que tu joues avec la mort, et qu'il y a du vent dans tes décors.